بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع في حلقة جديدة لدراسة القواعد المثلى وقد وصلنا إلى القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع الذي نسأل الله جل وعلا أن يرحم مؤلفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه كما نسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل والسداد والتوفيق والهداية وبعد. Donc on continue inchallah sans plus attendre et nous sommes arrivés à la troisième règle que l'auteur a mentionnée parmi les règles relatives au texte d'attribut. Donc on a appris, comme on a relaté cela dans les assises précédentes, des règles concernant les noms divins, c'est-à-dire les noms d'Allah Azza wa Jal, des règles concernant ses attributs, et dans ce fasl, dans cette sorte de chapitre, je dis bien cette sorte de chapitre puisque ce n'est pas classifié dans le livre en tant que tel, mais dans cette sorte de chapitre pour qu'on puisse synthétiser et nous faciliter la compréhension, l'auteur maintenant nous mentionne des règles concernant les preuves, les textes liés aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme vous avez pu comprendre, dans ce livre, on apprend des règles très importantes dans le domaine concernant les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs, les noms de notre Créateur, puisqu'il détient les plus beaux noms, Subhanahu wa Ta'ala, comme il nous les enseigne dans son livre, et les attributs de perfection. Donc en ce qui concerne ce fasl, en quelque sorte, on a étudié les deux premières règles concernant les règles liées au texte et aux preuves. Après avoir étudié des règles liées aux noms et aux attributs. Dans cette troisième règle, concernant les textes, l'auteur dit « Al-Qa'idatu Thalitha » Troisième règle. Donc vous comprenez, lorsqu'on dit troisième règle, c'est pour ça que je répète à chaque fois, troisième règle concernant les preuves et les textes. Pas la troisième règle par rapport au début de l'œuvre et du livre, puisqu'on a étudié sept règles. Si vous en rappelez, sept règles concernant les noms. Ensuite, l'auteur a mentionné sept règles concernant les attributs. Et là, on arrive à la troisième règle concernant les textes. قال ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة وقد دل على ذلك السمع والعقل وأما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الآية. ثم قال المصنف والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه وكون القرآن وقول وكون القرآن أو وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية وغيرها أو غيرها وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم من لدن حكيم خبير هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل Donc là, j'ai lu une première partie, la première partie de cette règle, jusqu'à où l'auteur va mentionner ensuite la parole du cheikh de l'islam. Donc on va commencer à traduire et expliquer cette première partie de la règle. Donc on va lire la règle en deux parties, comme elle est pas forcément très longue, mais elle est quand même un peu longue, donc on la lit en deux parties. Donc ce que j'ai lu là, c'est la première partie de la parole de l'auteur dans cette règle. Donc là, c'est le metn, ce n'est pas l'explication. C'est la parole de l'auteur dans son œuvre, c'est-à-dire la troisième règle. Donc l'auteur commence à évoquer la troisième règle. Quelle est cette règle ? Et vous allez voir, c'est très pertinent qu'il ait mentionné cette règle à ce moment-ci, après la deuxième règle. Puisque dans la deuxième règle, on a appris précédemment que les textes, d'une manière soit générale, et d'une manière plus précise, les textes d'attributs, on peut les appeler ainsi maintenant, ayat al-sifat, les textes liés aux attributs d'Allah Azza wa Jal, on les comprend, on les aborde selon le sens apparent. C'est ce qu'on a appris dans la règle précédente. Bien sûr, l'auteur nous a détaillé cela avec des détails, en mentionnant les preuves qui indiquent cela, des preuves scripturaires, c'est-à-dire textuelles, et des preuves aussi, des preuves qui sont rationnelles, des preuves rationnelles. Là, regardez maintenant l'auteur ce qu'il va dire. C'est pour ça, c'est une continuité, il faut suivre. L'auteur maintenant dans Al-Qa'idati Thalitha, qu'est-ce qu'il dit ? ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. Regardez, c'est très pertinent. Après que l'auteur nous ait dit que les ayats, les textes sacrés, d'une manière générale, et il a dit ensuite, de manière plus particulière, les textes d'attributs, on les comprend et les prend selon le sens apparent. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant dans cette règle ? C'est ce qu'on a appris précédemment. Maintenant, dans cette troisième règle, il dit « Mais le sens apparent des textes, il stipule bien, il précise bien, nos sources s'y faites. » Les textes d'attributs. Pourquoi je dis bien les textes d'attributs ? C'est-à-dire les versets d'attributs. Ici, il sous-entend bien les versets d'attribut. Pas forcément tous les versets. On est dans les versets où il y a la mention d'un attribut ou d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit d'une manière bien précise, l'apparence des textes d'attributs, le sens, il dit, est connu. Le sens est connu. Selon un aspect, selon une certaine considération. Par contre, il est inconnu selon une autre considération, selon un autre aspect. Donc, d'un aspect, une certaine considération, le sens, c'est-à-dire apparent, ظواهر نصوص الصفات, comme dit l'auteur, il dit, selon une certaine considération, il est connu, le sens. Mais, بِعَتِبَارٍ آخر, mais selon une autre considération, il peut être inconnu, le sens. Et là, c'est pour ça que on a dit précédemment que c'est très pertinent que l'auteur ait mentionné la règle précédente, et il mentionne cette règle maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a appris dans la règle précédente qu'il fallait, dans les textes d'attributs, les comprendre et les prendre selon le sens apparent. Et maintenant, il nous dit que le sens apparent, eh ben, est connu d'un aspect, ce sens-là, mais selon un autre aspect, il est inconnu. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Voilà. Donc, pour bien comprendre cette première partie de la règle, on va revenir au texte. Au texte, c'est-à-dire au commentaire. Au commentaire de l'auteur lui-même, de Shir. Donc, il dit dans cette règle, dans cette troisième règle, concernant les textes Ayat al-Sifat ou Al-Adillah, l'épreuve. Les sens apparents des textes des attributs nous est connu d'une certaine manière et inconnu d'une autre manière. C'est-à-dire, Al-Ma'ani, le sens des attributs est connu, mais leur comment Al-Kayfiyya est inconnu. Ce que prouvent les arguments scripturaires et rationnels. Donc vous allez mieux comprendre. Il dit dans le commentaire. هذه القاعدة قد تكون جوابا للسؤال وهو هل ظواهر نصوص الصفات معلومة أو غير معلومة قال إن قلت معلومة أخطأت وإن قلت غير معلومة أخطأت إذن الواجب التفصيل فنقول أما من جهة المعنى فهي معلومة لنا ولا يمكن أن الله ينزل علينا كتابا بمنزلة الحروف الهجائية أو بمنزلة اللغة الفارسية أو الإنجليزية ونحن عرب أما باعتبار الكيفية التي هي عليها فهي مجهولة لا تعلم فالوجه معلوم واليد معلومة والعين معلومة والقدم معلومة والساق معلومة وما أشبه ذلك هذه معلومة المعنى نعرفها لكن لو قال قائل صف قدم الله عز وجل وصف استواء فنقول هذه مجهولة لا يمكن أن تعرف إذن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا من جهة المعنى ومعلومة لنا من جهة الكيفية من جهة الكيفية. Donc là, ce que je viens de lire, c'est la première partie du commentaire. Là, l'auteur nous explique cette règle, nous explique cette troisième règle qu'il va nous détailler. Donc avant d'expliquer les preuves qui vont indiquer cette règle-là, il nous a d'abord expliqué le sens de cette règle. Donc il dit en fait, cette règle, elle pourrait répondre à une question. Cette règle-là, en fait, elle pourrait répondre à une question. La question c'est, est-ce que l'apparence des textes d'attributs, est-ce que le sens, ou plutôt, pour être plus littéral, il dit, est-ce que le sens apparent, on va rester sur, est-ce que, oui, le sens apparent des textes d'attributs est connu ou point connu? Et ici, il dit bien ce qui est apparent. Est-ce que ce qui apparaît, on va le traduire autrement, puisque c'est subtil, est-ce que ce qui apparaît des textes d'attributs, est-ce que cela est connu ou bien cela est inconnu? Il dit, si tu réponds c'est connu, de manière absolue, il dit, tu t'es trompé, c'est une erreur. Il dit, si tu dis que ce n'est pas connu, que cela est inconnu, tu t'es trompé aussi. Tu t'es trompé aussi. Il dit, ce qui incombe, l'obligation ici, c'est de détailler. C'est la nuance. Fanaqul, il dit, en ce qui concerne le sens, c'est pour ça que je suis revenu sur le terme, vous avez vu dans la traduction, je suis revenu sur le terme le sens. Parce que lorsque, dans la question que pose l'auteur, c'est plus général que le sens. Il ne sous-entend pas que le sens. Il sous-entend de manière générale ce qui apparaît du texte, l'apparence du texte. Puisqu'on a appris dans la règle précédente, dans les textes d'attributs, on les prend et les comprend selon le sens apparent, selon l'apparence. Donc, on est littéraliste à ce moment-là, en ce qui concerne les textes d'attributs. La personne, s'il prend le sens apparent, c'est du littéralisme. Pourquoi ? Parce qu'on traite des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne son élévation au-dessus de son trône, on ne peut pas interpréter cela. On ne peut pas donner d'explication. On prend le sens apparent. C'est ça. Pourquoi ? Parce que ça traite de l'être d'Allah Azza wa Jal. Et personne en a la connaissance. C'est pour ça qu'on ne peut qu'accepter les informations qu'Allah Azza wa Jal nous donne à son sujet, subhanahu wa ta'ala. Et ces informations-là, on ne peut pas les interpréter, contrairement à d'autres passages du Coran et d'autres versets du Coran. Pour cela, ici, l'auteur stipule bien les versets d'attributs. Les versets d'attributs, lorsque c'est lié à l'être d'Allah Azza wa Jal, ça parle d'attributs, et ça mentionne des attributs d'Allah, on ne peut pas les interpréter ou leur donner un autre sens. Mais est-ce que l'apparence, maintenant qu'on a dit qu'on doit prendre, dans la règle précédente, l'apparence du texte, la question est-ce que cette apparence-là, ce qui apparaît du texte d'attributs, est-ce que cela est connu ou bien inconnu? Il dit, si tu réponds d'une manière absolue, c'est connu, tu t'es trompé. Si tu réponds d'une manière absolue, c'est inconnu, tu t'es trompé. Ici, il faut nuancer. C'est-à-dire, si lorsqu'il est dit, est-ce que l'apparence du texte est connue, si c'est le sens qui est sous-entendu, on répond oui. Si c'est le sens qui est sous-entendu, on répond oui, le sens est connu. Par contre, si ce qui est sous-entendu, c'est « el-kayfiyya », le « comment » de l'attribut, là, on répond « non ». On répond « non ». Là, vous comprenez bien, alors pourquoi l'auteur a dit qu'il faut nuancer, il faut détailler pourquoi. Parce que l'apparence du texte, si on dit « l'apparence du texte », ça peut sous-entendre le sens, comme ça peut sous-entendre le « comment » de l'attribut. Puisque c'est un texte d'attribut. Donc il y a la mention d'un attribut divin. Donc soit ça peut faire référence au comment de l'attribut, comme au sens de l'attribut. Si on veut sous-entendre le sens de l'attribut, il est connu. Parce que comme on va le voir et comme on l'a vu précédemment, le Coran est descendu d'une langue arabe claire et explicite. Donc les termes sont clairs, explicites. Par contre, le comment de l'attribut, c'est ça que les grands savants musulmans et l'auteur nous enseignent que cela est inconnu. Maintenant, vous comprenez mieux le titre de la règle lorsque l'auteur dit l'apparence des textes d'attributs. C'est comme ça qu'il faut le traduire. C'est comme ça qu'il faut le traduire et pas tout de suite citer le sens apparent. On revient à sa traduction. La traduction plus précise ici est littérale. C'est qu'il dit, ce qu'il veut s'entendre, l'apparence, d'une manière générale, ce qui apparaît du texte d'attribut est connu. Certaines considérations, d'une manière, et inconnu d'une autre manière. Donc c'est ça là, la meilleure traduction. On revient ici sur la traduction du début ou de la règle. Donc l'apparence du texte d'attribut, il dit, est connue d'une certaine manière et inconnue d'une autre manière. Pourquoi? Parce que regardez dans la traduction, et c'est attention, c'est pas pour critiquer la traduction, hein, ou remettre en cause la traduction. La traduction est pertinente. La traduction, les gens qui ont traduit ont fait des grands efforts, ont fait des efforts considérables pour traduire. Nous, on ne remet pas en cause. Juste, Mimbab al-Faïda, ici, la meilleure traduction ici, pour mieux comprendre, si vous avez la traduction avec vous, dites plutôt, là, il y a écrit le sens apparent des textes. Le sens apparent des textes. Ici, le plus littéral et le meilleur, ça serait de dire ce qui apparaît du texte, l'apparence du texte, et rester dans la généralité. Pourquoi? Parce qu'ensuite, l'auteur va faire la différence entre le sens et le comment. Le sens de l'attribut et le comment de l'attribut. Vous comprenez? Donc, si on dit le sens apparent des textes est connu d'une certaine manière et inconnu d'une autre manière, c'est confus. Puisque le sens apparent du texte, il est connu. Il est connu, le sens. Et on ne peut pas dire qu'il est connu d'une certaine manière et inconnu d'une autre manière. Le sens, il est connu. C'est pour cela que la traduction plus claire, selon notre compréhension, Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-a'lam, c'est l'apparence du texte est connue d'une certaine manière et inconnue d'une autre manière. Lorsqu'il dit connu d'une certaine manière, il sous-entend maintenant le sens. Inconnu d'une autre manière, il sous-entend le comment. Il sous-entend le comment. Donc cette nuance, vous la comprenez jusque-là? Taïb. Si on a compris jusque-là, et ça va mieux être précisé dans ce qu'il va dire, regardez, il va bien le stipuler ensuite. C'est pour ça qu'en fait, je vous lis le texte en arabe, l'œuvre, et on fait la traduction en même temps. C'est pour ça que même ceux qui sont pas forcément arabophones, on part au niveau, suivez quand même en arabe. Pour ceux qui peuvent lire, suivez en arabe. Pourquoi? Parce que, et ceux qui sont arabophones, bien sûr, suivez en arabe. Pourquoi? Parce que ici, ça aide à bien comprendre et à apprendre la langue arabe et à se familiariser avec la langue arabe. Ici, regardez bien, lorsqu'on revient en texte en arabe, lorsqu'on est dans le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, donc le sujet est d'une importance capitale pour le croyant. Et il y a des questions qui sont subtiles. C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir sur les sens. Et regardez l'auteur dit « Zawahir nusus sifati ma'lumatun lana bi'atibar majhulatun lana bi'atibarin akhar » Qala, ensuite regardez, là vous allez mieux comprendre « Fa bi'atibar il ma'na hiya ma'luma » Et regardez, et là maintenant il détaille. L'apparence des textes est connue d'une manière et inconnue d'une manière. Qu'est-ce qu'il dit? Selon l'aspect du sens, donc on va bien maintenant, il va parler du sens. Selon l'aspect du sens, il est connu. Bi'atibar al-kayfiyya, mais concernant le comment, c'est inconnu. Donc on voit bien, c'est ça que veut sous-entendre l'auteur. Et la nuance, elle est sur le sens et sur le comment. Allant dans son explication, l'auteur nous a expliqué cela, il va détailler. Il va dire فَنَقُلْ أَمَّا جِهَةِ الْمَعْنَى فَيَا مَعْلُومَةٌ لَنَا. Il dit, en ce qui concerne le sens, c'est connu pour nous. Pourquoi il dit que le sens de l'attribut, de ce qui a été révélé, c'est connu? Parce qu'il dit, il n'est pas possible qu'Allah, notre Créateur, ait révélé dans son livre, un livre, il nous ait fait descendre un livre, et révélé un livre, بِمَنْزِلَةِ الْحُرُوفِ الْإِجَاهِيَّةِ وَبِمَنْزِلَةِ اللُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ Allah Azza wa Jal ne nous a pas envoyé, par exemple, fait descendre un livre à la base. Le livre d'Allah Azzawajal est descendu, comme on l'a appris précédemment, d'une langue arabe claire et explicite. Il n'a pas fait descendre d'une autre langue. Et donc, les Arabes, à l'époque, à la Mecque et dans la péninsule arabique, lorsqu'ils entendaient les versets, ils comprenaient. Et donc, le Coran n'était pas descendu d'une autre langue. Donc, on comprend bien, le but, c'était qu'ils comprennent. Puisqu'ils étaient arabes, et eux comprenaient et connaissaient la langue arabe. Donc, du fait que le Coran est descendu d'une langue arabe claire et explicite, c'était pour qu'ils comprennent. Donc, le Coran n'est pas descendu chez les Arabes d'une autre langue que la langue arabe. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend bien, c'était pour qu'ils comprennent. Les gens à l'époque de la Mecque, le clan, le peuple du prophète, sallam, qui vivait avec le prophète, et où naquit le prophète à la Mecque, la langue était, que parlaient les gens, c'était la langue arabe. C'était des Arabes. Et le prophète, sallam, était un prophète arabe. Et ce qu'on sait, les prophètes qui étaient arabes, on en connaît quatre. Il y a quatre prophètes qui étaient arabes parmi les prophètes et les messagers. Il est rapporté Hud, wa Salih, wa Shu'aib, wa Muhammad et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc le prophète Salih, wa Hud, Shu'aib et le prophète Muhammad sallam, que la paix soit sur eux tous. Et donc l'auteur, c'est pour ça qu'il dit donc le sens, il est connu. Le Coran n'est pas descendu d'une langue perse pour les Arabes au départ. Donc le sens est connu. Ce qui est inconnu pour nous maintenant, comme on l'a appris dans les cours précédents, c'est Al-Kayfiyya, c'est le comment. Alors, par exemple, il dit lorsqu'il nous est mentionné, par exemple dans les textes d'attributs, des exemples bien précis, il dit la main, l'attribut de la main. Il est cité en arabe la main. Est-ce que on comprend lorsqu'on dit el yed? En arabe, el yed, c'est quoi? C'est la main. Dans le texte, lorsqu'il est cité el yed, le sens c'est la main. Le sens de l'yed est connu. Et comme on a appris précédemment, on est dans un texte d'attribut, la main, on ne peut pas l'interpréter, lui donner un autre sens. C'est descendu d'une langue arabe claire, explicite. Par exemple, al-wajh, le visage. Il est mentionné dans des textes sacrés, l'attribut du visage. En arabe, al-wajhu, al-wajh, c'est le visage. Le sens est connu ou non? Il est connu. Par exemple, il dit à titre d'exemple, Al-Ain, l'œil. Al-Ain, qui est l'œil. Le sens, en ce qui concerne le sens, il est connu. Wal-Qadamu, Wal-Saqu, Wama Ashbaha Dhalik. Wama Ashbaha Dhalik et les autres attributs qu'on vient de citer. Hadi Ma'loumatul Ma'na. Le sens, il est connu. Par contre, ce qui nous est inconnu, c'est Al-Kayfiyya, le comment. Par exemple, si une personne te dit décris-moi l'istiwa, l'élévation d'Allah au-dessus de son trône. Est-ce que la personne peut lui décrire? Si une personne nous demande votre Seigneur s'est élevé au-dessus de son trône, Ar-Rahman ala al-arsh istawa, et la personne dit décris-moi l'élévation, l'établissement de ton Seigneur au-dessus de son trône. La nadali, ça on ne sait pas, puisque là on est dans le comment. Si la personne nous demande le sens, nous dit même ma'na al-istiwa, ma'na al-istiwa ala wartafa'a wastaqar, parmi les sens de l'istiwa. Donc le sens on le connaît. Par contre, si la personne nous dit mais comment le Seigneur s'est élevé au-dessus de son trône, Allahu a'lam. Là on est dans le kayfiyya, ça on ne sait pas. Donc ça c'est la première partie, c'est-à-dire c'est ça le cœur de la règle, ce que nous enseigne l'auteur. Ensuite, l'auteur nous dit ce qui prouve ce qu'il vient de dire, parce qu'il faut le prouver. Il faut le prouver. Il dit ce qui prouve cela, c'est aussi bien les textes scripturaires, al-adillatu sam'iyya, les textes ou les preuves textuelles, et aussi bien les preuves rationnelles. Donc, ce qui va indiquer cette règle, parce qu'il faut la prouver maintenant, il faut des preuves. C'est quoi qui prouve que, par exemple, le sens, on le connaît, ou le kifia, on ne le connaît pas. Qu'il faille prendre le sens apparent, lorsque on est face à des textes d'attributs, ça, on a pris les preuves, c'était le sujet de la deuxième règle. C'était le sujet de la deuxième règle. Là, on avait dit, on avait même cité quelques passages du poème de Lamia, et dans d'autres poèmes, et dans d'autres écrits, dans d'autres épîtres sur le dogme, les savants mentionnent cela, le fait de prendre les textes d'attributs selon le sens apparent. Comme on l'avait dit dans les vers, « Wa ayat ou sifat umirruha haqqan kama naqala tirazu l'awwalu » وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. On avait cité, fait allusion à ces vers concernant le fait de prendre l'apparence des textes. Ce qui prouve maintenant cette règle-là, le sens est connu, le comment est inconnu. Vous allez voir pourquoi on insiste bien sur cela et l'auteur insiste bien sur cela. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi ? Parce que l'auteur va faire allusion à cela dans ce qui va suivre vers la fin de la règle. Vers la fin de la règle. Dans les premiers siècles, on avait déjà fait allusion à cela, il y a une doctrine dans le monde musulman qui est apparue et qui a émergé dans le monde musulman. Surtout à une période, on avait déjà dit, que les débats théologiques, c'était des débats de société. Et dans les sociétés musulmanes, les autorités débattaient de ces sujets théologiques. Pourquoi ? Parce qu'à une certaine époque, il a commencé à avoir des débats, ont émergé des débats sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et les gens ont commencé à spéculer sur l'être. Sur l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque les gens ont commencé à débattre dans ces sociétés-là, dans les siècles précédents, parmi les premiers siècles, et surtout ensuite, après à l'époque de l'Empire Abbaside. Lorsque les gens ont commencé, ça avait commencé déjà avant, hein, mais surtout à l'époque de l'Empire Abbaside, avec l'apparence de certaines doctrines, lorsque le débat, ensuite, a émergé dans les sociétés musulmanes, sur l'être d'Allah Azza wa Jal, ses noms et ses attributs, donc on a dit qu'il y a eu l'apparition de ceux qui ont nié les attributs, ceux qui ont affirmé avec exagération, en comparant le Créateur avec les créatures, et il y a une doctrine qui est apparue. Une doctrine où la croyance est subtile et ambiguë, et elle peut ressembler au dogme des partisans de la Sunna depuis les premières générations. C'est une doctrine qui a été nommée Al-Mufawwida. Al-Mufawwida, qu'on nomme Ahlut Tafwid. Ahlut Tafwid. Eux sont apparus plus tard. Et eux ont affirmé les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Comme les partisans de la Sunna. Ils ont affirmé les noms, ils ont affirmé les attributs. Sauf que eux ont prétendu, en affirmant, par exemple, les attributs qu'on a cités précédemment dans les textes d'attributs, lorsqu'il y a la mention de Al-Yad, Wal-Ain, Sifat al-Wajh, Sifat al-Istiwa, par exemple, lorsqu'il y a la mention d'attributs, ils ont dit nous affirmons. Ils ont affirmé Sifat al-Kalam, l'attribut de la parole, l'attribut du visage, l'attribut de la main, par exemple, l'attribut de l'élévation d'Allah Azza wa Jal, que ce soit des attributs d'action ou bien des attributs d'essence. Ce qu'on appelle sifat dhatiya ou sifat al-fi'liya. Donc, la croyance, jusque-là, était similaire à la croyance de gens de la Sunna, dans leur affirmation, en disant nous affirmons sans nier et sans falsifier les attributs d'Allah Azza wa Jal. Sauf qu'ils ont revendiqué que le sens, par contre, ne nous est pas connu. C'est-à-dire, eux, à la différence des partisans de la négation, ils affirmaient par exemple Sifat al-Istiwa. Ils disaient, eh na'am, Allah istawa ala arshihi. Si vous leur posiez la question, est-ce qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, Allah Sifat al-Istiwa, ils disent na'am. Allah istawa ala arshihi. Donc, ils affirmaient à la manière des, on va pas dire la manière puisque c'est pas la même manière, mais ils affirmaient les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Sauf qu'ils disaient, on affirme l'istiwa, sauf à la différence avec les gens de la Sunna, le sens, par contre, on le remet à Allah. C'est pour ça qu'ils ont été appelés et nommés, cette doctrine-là a été nommée Al-Mufawwada, avec un droit. Al-Mufawwada, bimarna, Nufawwad al-Ma'ana ilallahi azzawajal. Ils ont dit, on affirme l'attribut comme il est venu, ils ont pris le texte apparent, sauf ils ont dit, le sens là, on le remet à Allah. Nuthbit sifat al-istiwa, on affirme, ils disaient, l'attribut de al-istiwa, mais al-ma'na, mais pour eux, le sens de l'istiwa est inconnu. C'est quoi l'istiwa? Allahu a'lam. Ils disaient, le sens, on le remet à Allah. Et ensuite, ils ont été nommés al-mufawwada. De sorte, le sens, ils le remettent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Pardon. C'est pour ça que vous comprenez que c'est pas en vain que les savants mentionnent la célèbre et belle parole de l'imam Malik. De l'imam Malik, qu'on avait étudié dans des assises précédentes, lorsqu'un homme a demandé au sujet de l'imam Malik, comment Allah s'est-il établi au-dessus de son trône? Et cette question ne se pose pas. C'est une innovation, une hérésie de poser cette question. On ne peut pas demander comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône. On ne sait pas. On n'a pas le droit de s'imaginer et de se poser la question du comment. On a le texte, nous y croyons, nous l'affirmons, qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Lakin al-kayfiyya est inconnu pour nous. Le comment, on ne se pose pas la question, on ne l'imagine pas, et cela est inconnu pour nous. Et rien n'est comparable à lui. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas s'imaginer, et on ne peut pas essayer de chercher le comment. Pourquoi? Puisque rien n'est comparable à lui. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Donc à ce moment-là, la raison de la conception de l'être humain est limitée. On avait donné des exemples là, à cela. Vous pouvez, par exemple, vous imaginer une chose lorsque vous connaissez, par exemple, ce qui lui est comparable. Ce qui lui est comparable. Par exemple, comme on avait donné des exemples, on vous vend une voiture. La voiture, c'est juste des exemples pour comprendre. La voiture, vous ne l'avez pas vue, mais la personne vous dit, la voiture que je vends, c'est tel modèle, c'est la même voiture que celle-ci. Donc là, la personne peut s'imaginer. Parce que cette voiture-là, elle a un semblable. Par exemple, une maison. La personne dit, je vends une maison. Et là, il n'a pas de photo de la maison. Il lui décrit la maison en lui disant, bah, la maison, elle est comme celle-ci. Et il lui fait montrer une maison. Est-ce que là, il peut s'imaginer la maison, même si la maison qui est en vente, il ne l'a pas vue. Mais est-ce qu'il peut s'imaginer? Il peut s'imaginer parce que cette maison-là a une maison similaire, une maison qui lui ressemble. Donc il lui dit, la maison est comme celle-ci. Donc là, à partir de ce moment-là, la personne, il peut s'imaginer la maison. Et là, il peut la comparer et se dire, bon, telle maison est comme celle-ci. Ça, c'est en ce qui concerne les biens mondains, en ce qui concerne les créatures. Par exemple, un être humain, on le décrit, il dit, bah, un tel ressemble à un tel. Et là, on peut se l'imaginer. On se pose la question sur une personne, mais comment était-il un tel? Il dit, bah, t'as vu un tel? Il lui ressemblait. Donc là, ensuite, même si cette personne, on ne l'a jamais vue, on peut se l'imaginer parce qu'elle a quelqu'un qui peut être comparable. En ce qui concerne le Créateur, c'est tout autre. Allah, rien lui est comparable. Rien lui est semblable, comme on l'avait appris. Donc, l'être humain, la créature, ne peut pas s'imaginer quelque chose, ne peut pas comparer, parce que il est unique, il est seul. Et donc Allah Azza wa Jal n'est pas seul, le seul à mériter l'adoration, ça c'est une partie de l'unicité. Mais Allah Azza wa Jal est seul à détenir la perfection. Allah est unique. Rien ne lui est comparable. Rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est comparable et ressemblant à lui. Donc de là, si on a compris cette regard, on sait qu'on ne peut pas s'imaginer comment est Allah Azza wa Jal. Et donc, les attributs, le sens est connu, le comment est inconnu. C'est pour ça que l'imam Malik, pour revenir, il avait dit à cet homme, le sens est connu, le comment est inconnu. Al-istiwa ou ma'loum, wal-kayfiyatu majhoula, wal-kayf majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'a. Par contre, le fait de poser la question, c'est une innovation. On n'a pas le droit de poser la question. Comment Allah s'est-il élevé au-dessus de son trône? On n'a pas le droit de poser la question. La question est une innovation. Vous comprenez pourquoi les savants mentionnent la parole de l'imam Malik, cette très belle parole. L'imam Malik dit « Al-istiwa ma'loum » ou « Al-kayf majhoul » Et dans une riwaya, dans une version, il dit « Al-istiwa ghayru majhoul » L'istiwa n'est pas inconnu. Qu'est-ce qu'il sous-entend ? Al-istiwa, le sens. Et l'auteur, pourquoi il nous dit que le il nous enseigne que le Coran est descendu d'une langue arabe claire et explicite. Claire et explicite. Ça, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup qui débattent sur ces sujets-là et qui spéculent sur l'être d'Allah Azza wa Jal, que ce soit dans les premiers siècles jusqu'à nos temps, ils disent que le sens n'est pas explicite. Alors, soit ils peuvent le dire directement, explicitement, ou bien c'est implicite. Indirectement, ils le disent. Le fait d'interpréter ou de nier, c'est indirectement dire que le sens n'est pas explicite. Donc ils diront, lorsqu'il est mentionné l'istiwa, c'est pas l'istiwa que le sens compris par les Arabes. Lorsqu'il dit al-yed, ils vont dire c'est pas l'yed compris par les Arabes. Moi, je me souviens d'une discussion un jour avec une personne qui... La personne qui est croyante, musulmane, mais ne sait pas où est Allah. Et ne veut pas penser que Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux. Et la personne pense que c'est de la mécréance que de croire qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, au-dessus de tout. Alors, lorsqu'on mentionne des versets qui sont clairs, Allah Azza wa Jal nous dit « A'amintum man fis sama » Est-ce que vous êtes à l'abri de celui qui est dans les cieux ? Qui est dans les cieux. Vous comprenez bien que dans les versets, lorsqu'il est mentionné le « fi », qu'on pourrait traduire littéralement « dans »,« fi »,« a amintum man fis sama ». Et ces deux versets qui se suivent. « A amintum man fis sama » et ensuite, dans Sourate Al-Mulk, on a l'autre verset qui suit « Am amintum man fis sama ». Deux fois de suite, Allah Azza wa Jal nous mentionne, nous enseigne dans le verset, dit « Est-ce que vous êtes à l'abri de celui qui est ?» On le traduit littéralement « dans les cieux ». Mais le « fi » ici, c'est « bimarna ala », au-dessus des cieux. Le « fi » ici, qu'on traduit littéralement « fi », c'est « dans », mais là, ce n'est pas dans le sens de « dans ». La preuve à cela, regardez Pharaon, le tyran qui était Pharaon. Quand il a menacé les peuples, en leur disant, il a menacé aussi le prophète Moussa, en disant « je le crucifierai » dans le tronc d'un arbre. لَأُصَلِّبَنَّهُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ Il est... Comment il est dit? Qu'est-ce que le terme, la particule employée dans le verset en arabe? فِي جُذُوعِ النَّخْلِ Donc si on traduit littéralement dans le tronc d'un palmier. Je l'ai crucifié dans le tronc d'un palmier. Mais vous comprenez bien, il est dit « fille ». Mais vous comprenez bien, la crucification se fait pas dans le tronc, à l'intérieur du tronc. Ici, c'est dans le sens de « Allah » sur le tronc. Pourtant, il est employé la particule « fille ». « Fille ». Et là, on comprend que lorsqu'il dit « je l'ai crucifié sur », littéralement « dans le tronc d'un palmier », on comprend que « Pharaon », ici, le sens est « sur le tronc ». De même, « a'amintum man fis sama », là c'est la preuve, « man fis sama ». qu'Allah est au-dessus des cieux. Et la personne a la mention de ces versets qui sont clairs dans le arabe, c'est explicite. Est-ce que vous êtes à l'abri de celui qui est au-dessus des cieux? Donc on peut le traduire aussi comme ça. Dans le hadith du prophète, lorsque le prophète interrogea la servante, « Aïna Allah ?»« Aïna Allah ?» La personne m'a dit, « Non, ce n'est pas ces sens qu'il faille comprendre. Il y a des sens cachés. » Il y a des sens cachés. Et pour eux, ces sens cachés, c'est leur maître, le maître de la fraction, de la doctrine, qui lui connaît les sens cachés. Et donc, on interrogeait la personne en lui disant, dans la discussion, on disait à la personne, donc, tous les Arabes ou les arabophones qui ont appris la langue arabe aussi, et depuis l'époque du prophète, salam, jusqu'à nos temps, tous les spécialistes dans la langue arabe ne comprennent pas alors Aïna Allah. Aïna. C'est pas Aïna qu'il faut comprendre. Il y a des sens cachés. Alors que le Coran s'adresse à l'humanité, aux gens qui peuvent être plus intelligents, avec un certain culi élevé, comme aux gens, pas forcément intelligents, ces sens-là de ces versets-là sont descendus d'une langue arabe claire et explicite. Et n'importe quel arabe, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, on lui dit « Aïna », Allah, le sens, il est clair et explicite. Pour certains diront, il y a des sens cachés, pas connus. Ou d'autres, et c'est la doctrine dont va faire allusion l'auteur, vont dire, non, le sens, on ne connaît pas. On affirme à l'istiwa, par exemple, mais le sens, on ne le connaît pas. Ensuite, ça, c'est important de le savoir. Pourquoi ? Parce que vous allez retrouver dans certains livres que cette croyance-là de Tafwid, le fait de dire, nous affirmons, mais le sens est inconnu, ça a été attribué à de grands savants musulmans. Ça a été attribué à de grands savants musulmans, de grandes références et d'illustres, éminents, érudits, savants. C'est pour ça qu'il faut connaître cela. Pourquoi ? Parce que vous pouvez tomber sur des écrits et sur des livres où il est imputé et attribué à certains grands, éminents, savants, comme l'a cité précédemment, qu'ils ont adhéré à la croyance du Tafwid, qu'en fait ils étaient Mufawwid dans la question, dans le domaine des noms et des attributs. Dans le domaine des noms et des attributs. Sauf que pour comprendre le fait qu'en fait ils n'étaient pas Mufawwid dans le domaine des noms et des attributs, ils font comprendre déjà qu'est-ce que le dogme de Al-Mufawwid. Si on ne comprend pas le dogme d'Al-Mufawwid, alors on ne pourra pas comprendre le fait qu'en fait, la parole de ce ou de cet illustre savant ne veut pas dire qu'il adhère au Tafwid. Et c'est pour ça que c'est important. On va terminer donc sur ça. L'auteur ensuite, après nous avoir expliqué la règle, il nous mentionne les versets. Les preuves d'abord, puisqu'il va mentionner des preuves textuelles et des preuves rationnelles. Des preuves rationnelles. Quelles sont ces preuves ? Des preuves qui indiquent tout simplement que le sens, maintenant, le sens apparent, on dit bien, on stipule bien, des versets d'attributs. On dit bien, des versets d'attributs. Pourquoi j'insiste bien sur les versets d'attributs ? Parce que certains pourront dire, alors il n'y a pas d'interprétation du Coran. Non, il y a d'autres versets, ils peuvent être interprétés. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les versets d'attributs, où il y a des versets où Allah Azzawajal nous informe à son sujet. Ces attributs-là, on ne les interprète pas. Ça ne veut pas dire que le Coran, d'autres versets, où il y a la mention d'histoire, de peuple, de prophètes, et d'autres versets, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interprétation. Puisqu'on a des livres d'interprétation, Kutub et Tafsir, d'explication, de commentaires et d'interprétation des versets. L'interprétation était At-Ta'wil, ce qu'on appelle At-Ta'wil, était fait déjà à l'époque du prophète et à l'époque des compagnons du prophète. Regardez, un jour, à la révélation d'un verset, lorsque les compagnons ont entendu un verset, le verset le sens du verset, à l'écoute du verset, ça leur avait posé en quelque sorte problème et quelque sorte frayeur. Lorsque, dans un verset qu'Allah Azza wa Jal a révélé, où Allah Azza wa Jal dit « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika humul amn, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun » Allah, dans sa traduction relative, nous dit « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm » Ceux qui ont cru et qui n'ont pas revêti leur foi d'injustice. Ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. À eux la sécurité et ils sont bien guidés. Lorsque les compagnons ont entendu le verset, ils se sont interrogés. Ils ont eu peur. Et donc ça a causé problématique dans la compréhension. Ils ont dit, Ya Rasulallah, mais quel est l'individu qui ne fait pas d'injustice? Ils ont eu peur, puisque le verset les dit, ceux qui ont cru et qui n'ont pas revêtu leur foi, une traduction, c'est littéral, hein, la traduction elle est littérale, d'injustice. Donc là, les compagnons ont eu peur. On dit au messager d'Allah, mais quel est le croyant qui peut être à l'abri d'une quelconque forme d'injustice. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de leur dire que le sens de l'injustice, ici, ce n'est pas le sens que vous comprenez. Le prophète a dit « Al-dhulm huna huwa shirk » C'est le polythéisme. C'est le shirk. L'injustice citée, ici, c'est le shirk. Dans le sens que ceux qui ont cru et qui n'ont pas revêtu leur foi de shirk, de polythéisme. Ici, on voit bien que le prophète sallam a interprété le verset, dans le sens nous a donné un sens au terme dhulm. Et donc, on voit que le dhulm, ici, c'est dans le sens de shirk. Et dans d'autres versets, on voit que l'injustice a le sens de shirk. Pourquoi? Parce que lorsque Luqman, certains disent que Luqman était un prophète. Et d'autres savants disent que c'était un homme sage, parmi les sages. Wallahu a'lam, entre certains savants qui disent que Luqman était prophète, et d'autres exégètes qui considèrent que Luqman était un homme sage. Min al-hukama. Lorsqu'il fait l'exhortation à son fils, en lui disant, Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ô mon fils, ne donne pas un associé au Créateur, ne fais pas de shirk, en termes littéral, car le shirk est une injustice immense. On voit bien que, donc, le shirk est une forme d'injustice. Et là, dans le verset, ceux qui ont cru et qui n'ont pas revêtu leur foi d'injustice, c'est dans le sens de shirk. Donc là, c'est une interprétation. Mais celle-ci est donnée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour ça qu'on stipule bien. D'autres parties du livre, du texte, il y a du tafsir, de l'explication, du ta'awil, l'interprétation. Sauf que là, on parle de ayat al-sifat. Lorsqu'on est dans les attributs d'Allah, il n'y a pas de science de la dialectique, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas d'interprétation. C'est al-zahir, c'est le sens apparent qui est pris. Sans la pris dans la règle précédente. On parle du sens, pas là le comment, on ne le connaît pas. Dans la prochaine assise, Inch'Allah, on parlera des preuves sur cela. On essaiera de terminer la si Allah nous le permet, la troisième règle. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والله تبارك وتعالى هو الأعلم وبارك الله فيكم